Science Chrono, Antoine Beauchamp. Tout organisme vivant est fait à partir de cellules. Si cela vous semble évident et indiscutable, il a pourtant fallu plus de 2 siècles pour qu'au 19e siècle, cette idée s'impose. 2 siècles d'observations et de développements théoriques foisonnants, parfois contradictoires, qui ont conduit à faire de la cellule une unité de base pour la compréhension du monde vivant et sa distinction du non-vivant. On retrace aujourd'hui dans Science Chrono le parcours tortueux de la théorie cellulaire qui sert aujourd'hui de socle indéboulonnable à tout un pan de la biologie. Caroline Anglerot, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en philosophie, post-doctorante à l'INSERM au sein de l'unité iBrain de l'Université de Tours. Merci beaucoup d'être à nos côtés aujourd'hui pour nous raconter cette histoire buissonnante de la théorie cellulaire, une théorie fondamentale pour la biologie moderne. Et pour démarrer cette émission, on écoute tout de suite un extrait d'un texte du médecin allemand Rudolf Virchow, à qui l'on attribue un rôle clé dans la mise en place de la théorie cellulaire. Cet extrait avait été enregistré pour le documentaire « Une histoire de la cellule, la naissance de la théorie cellulaire » de Nicolas Chevassu-Aulouis, diffusé en 2003 sur France Culture dans l'émission « Continent Science » de Stéphane Deligeorge. Actuellement, on ne peut considérer la fibre, le globule ou le granule élémentaire comme le point de départ du développement histologique. On n'a plus le droit de supposer que les éléments vivants proviennent de parties non organisées. On n'en est plus à regarder certaines substances, certains liquides, comme plastique, matière plastique, blastème, cytoblastème. Sur ces points, il s'est fait ces dernières années une révolution profonde. En pathologie comme en physiologie, nous pouvons poser cette grande loi. Il n'y a pas de création nouvelle. Elle n'existe pas plus pour les organismes complets que pour les éléments particuliers. De même qu'un infusoire, une algue, un cryptogame ne sont pas produits de la décomposition des débris organiques végétaux ou animaux, de même en histologie physiologique ou pathologique, nous nions possibilité de la formation d'une cellule par une substance non cellulaire. La cellule présuppose l'existence d'une cellule. Omnis cellula, a cellula. De même que la plante ne peut provenir que d'une plante et l'animal d'un autre animal. Rudolf Virchow, La pathologie cellulaire basée sur l'étude physiologique et pathologique des tissus, 1861. Voilà pour cette archive, Caroline Anglerot. Une réaction à ce propos de Rudolf Virchow, qui est un propos assez fondamental dans l'histoire de la théorie cellulaire. Qu'est-ce qui vous marque dans cet extrait? Je pense que ce qu'on peut retenir de cet extrait, surtout, c'est la formule sous forme aphoristique latine de Omnis cellula et cellula, ou A cellula, il y a les deux formulations. Et cette formule est restée, déjà, on la retrouve dans plein de manuels qui essayent de synthétiser l'histoire de la théorie cellulaire. Mais surtout, elle est importante parce qu'elle permet à Virchow vraiment de noter que toute cellule vient d'une cellule préexistante et donc que le vivant vient du vivant. C'est-à-dire que de cette manière, il peut s'opposer à toute conception du vivant venant de la génération spontanée. La génération spontanée qui avait le vent en poupe au 19e siècle, mais qui commençait à être battue en brèche par Virchow et puis bien sûr par Pasteur. Il y avait quand même tout un courant qui allait contre cette idée d'une émergence du vivant ex nihilo. Ce qui est intéressant aussi dans cette archive, c'est que Virchow répond directement à l'un des deux pères, finalement, de la théorie cellulaire, dont on parle de Rudolf Virchow comme l'un de ses pères, mais il y a aussi Theodor Schwann, qui lui était tenant d'un de ses concepts de cytoblastème. Alors, il en parle directement. Est-ce qu'on peut parler finalement de cette conception-là? Exactement. Alors, Rudolf Schwann propose ce qu'on appelle parfois une deuxième théorie cellulaire, ou alors une deuxième version. Et elle diffère de la première, donc qui en effet est portée par Theodor Schwann, sur la génération cellulaire. Pour Virchow, donc toute cellule est issue d'une cellule préexistante, alors que pour Schwann, la cellule se forme en fait d'une manière un peu analogique à une forme de cristallisation, c'est-à-dire que à partir d'une substance qu'on pourrait situer entre les cellules ou à l'intérieur, on ne sait pas trop, ça dépend des versions. Mais en tout cas, à partir donc d'une substance péricellulaire, on peut dire qu'il n'a pas une structure spécifique, se forment des noyaux et ensuite les cellules autour des noyaux. Donc là, on est vraiment dans une logique de cristallisation du liquide cytoblastémique, d'où le nom de cette version de la théorie, et qui fait que c'est des masses finalement forment une espèce de force d'attraction qui permet d'avoir des strates qui s'agglomèrent successivement. Ce qui est intéressant, donc ça on va revenir bien sûr sur l'aspect un peu plus conceptuel et les rouages techniques de cette conception de la théorie cellulaire. Moi ce qui m'intéressait dans cet archive, c'est que voilà, on a les deux paires de la théorie cellulaire qui finalement ne sont pas sur la même ligne et on les présente comme les deux finalement les deux personnages clés pour l'émergence de cette théorie cellulaire. Cette théorie cellulaire, je le disais en introduction, Caroline Anglerot, c'est pas du tout c'est impossible d'en faire une chronologie linéaire. Ça servirait à rien, surtout en une demi-heure, d'essayer de résumer ça. Peut-être qu'on peut déjà poser la question, parce que nous, ça nous semble évident de nous dire, oui, un organisme vivant est composé de cellules. Poser la question de savoir pourquoi, à ce moment-là, les chercheurs, les biologistes essayent de comprendre comment le vivant est structuré dans ses plus petites échelles. Alors, en fait, parfois, on peut dire que l'émergence de la théorie cellulaire, c'est un peu un effet aussi de l'ère du temps, dans le sens où déjà de longue date, il y a différentes théories qui essayent poser des compositions élémentaires du vivant. C'est même assez vieux, donc déjà au XVIIIe siècle, on retrouve, certains pensent, des théories fibrillaires. De manière plus contemporaine, en France, on a Bichat qui pense une théorie tissulaire. Et donc, voilà, c'est pas nouveau, cette volonté d'essayer de réfléchir à une composition élémentaire du vivant. Ce qui est nouveau, c'est qu'on n'a pas mis ces pensées théoriques en parallèle avec les observations qu'on avait. Les observations, vraiment, en général, on décrit ça sous terme de globules. Parfois même on parle de théorie globulaire et on n'a pas encore vraiment donné sens à cette formule des globules. Et donc la force de la théorie cellulaire, c'est de réussir à rapprocher les deux. Ce qui est intéressant aussi dans cette histoire de la théorie cellulaire, c'est que on dit souvent en science voir c'est savoir d'une certaine façon. Or là, finalement, l'observation des cellules a été réalisée grossièrement dès le milieu du XVIIe siècle par des savants comme Robert Hooke en Angleterre, qui avait observé des cellules de liège et qui se disait bon et qui avait nommé lui-même ces microstructures comme des cellules, mais pas d'interprétation ni de théorie avant le milieu du 19e siècle, avant les deux noms que je citais tout à l'heure, Virchow et Schwann. Ça, c'est une leçon finalement, ça aussi, dans l'histoire des sciences, le fait que, oui, on a beau voir des structures, si on n'a pas l'appareil théorique et intellectuel pour l'interpréter, eh ben la science n'avance pas. En effet, donc de Hooke, on le retient comme étant la personne qui a utilisé ce mot de cellule. Après, donc lui, il avait vu vraiment la structure de plantes qui entourait les cellules, pas les cellules en tant que telles. Et en effet, on en est très loin de cette idée d'une unité structurelle d'un tissu. C'est vrai que la pensée de l'histoire de la théorie cellulaire, c'est vraiment cette expérience qu'on peut faire quand on est au lycée et qu'on nous demande de dessiner ce que vous voyez sous un microscope. Et c'est très compliqué si on n'a pas une idée de ce qu'on cherche. Donc en effet, il faut vraiment avoir tout un appareil conceptuel en tête pour réussir à donner sens à ce qu'on voit. Alors pour que cet appareil conceptuel finalement émerge et naisse et s'installe et prennent de l'ampleur. Il faut aussi qu'il y ait une structure universitaire, un laboratoire où se font ces travaux de recherche et ces travaux théoriques. C'est le cas à Berlin, à l'université Humboldt, où aussi bien Schwann que Virchow vont travailler au contact de Johannes Müller, qui était un savant clé pour la science allemande de cette époque, un physiologiste. Est-ce que vous pourriez nous le présenter et nous dire l'importance qu'il a eu aussi pour qu'on finisse par attribuer cette théorie cellulaire à ces chercheurs allemands? Alors, en effet, Johannes Müller, c'est un drôle de personnage qui, notamment, a hérité d'une pensée kantienne, réinvestie par la philosophie romantique allemande. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un, dans toute son ambiance, qui promeut aussi le développement de la physiologie expérimentale. Et il laisse beaucoup de marge de manœuvre à ses élèves, à ses étudiants, ce qui fait que tout le monde est marqué par lui, soit comme une figure repoussoire, soit au contraire comme un modèle. Et il a cette force de vraiment prôner ce que font ses étudiants. Donc par exemple, et c'est un des arguments qu'on pourrait donner pour expliquer pourquoi, par exemple, cette équipe à Berlin est vraiment celle à qui on attribue l'émergence de la théorie cellulaire, c'est que, par exemple, il écrit un livre sur la physiologie humaine et il cite Jvan, alors, il le comprend pas exactement comme Jvan voudrait qu'il soit compris, mais il n'empêche qu'il en parle, donc il donne une popularité à son étudiant que d'autres à qui on pourrait aussi attribuer une forme d'émergence de la théorie cellulaire n'ont pas. Alors, il n'y a pas de création ex nihilo du vivant, de la même façon en science, il n'y a pas de création ex nihilo d'idées. Sur quelles idées, non pas précurseuses, mais préliminaires, se repose un chercheur comme Theodor Jvan pour mettre en place son idée de la théorie cellulaire? Est-ce qu'on peut parler, par exemple, des tissus? Est-ce qu'on peut parler d'autres approches qui avaient déjà commencé à conceptualiser cette théorie cellulaire? Alors, le moment marquant pour Jvan, c'est aussi les échanges qu'il a avec Matthias Schleiden. Matthias Schleiden, c'est un biologiste et notamment, il semble observer une répétition de structures dans les tissus végétaux. Et il en discute avec Theodor Jvan. Et Theodor Jvan travaille, lui, sur des tissus animaux. Et il fait un parallèle entre ses observations personnelles et celles de son collègue. Et il en déduit cette idée d'une structure cellulaire avec un noyau qui serait la structure commune à tous les vivants. Pourquoi c'est aussi révolutionnaire, ou en tout cas, assez novateur de penser cette communauté du vivant autour de cette structure unique de la cellule? Alors, ce qui est étonnant dans le cas de la théorie cellulaire, c'est que, à la fois, comme je le disais, c'est quelque chose qui est un peu dans l'air du temps. On le retrouve notamment en France, autour de figures comme Dutrochet ou Raspail. On le retrouve aussi autour d'un autre groupe à Breslau, maintenant en Pologne, autour de figures comme Purkinje ou Valentine. Et donc, à la fois, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, et en même temps, c'est pas quelque chose qui est théorisé comme tel. Et donc, la force de Jvan, ça va être de la théoriser comme telle. Et dans son ouvrage sur les recherches microscopiques, ça va être aussi de donner beaucoup d'exemples pour lui donner corps à cette théorie. Alors, cette théorie-là, pour le coup, il jette la première pierre, Jvan, à cet édifice de la théorie cellulaire, en disant finalement tous les organismes vivants sont faits à partir de cellules. C'est pas la seule constituante de cette théorie cellulaire. D'autres éléments vont être ensuite apportés par Rudolf Virchow. Mais on peut aussi citer un autre chercheur, Robert Remak. Est-ce que vous pourriez nous présenter cette figure aussi qui a travaillé avec Virchow, et quelles ont été, lui, ses observations qui ont participer au développement de la théorie cellulaire? Alors, Remak, c'est vrai que l'histoire le retient pas forcément pour différentes raisons, notamment il a pas forcément la voie institutionnelle que va avoir Virchow en tant que position de médecin, etc. Et, il était juif polonais aussi, ce qui lui a valu pas mal de freins dans sa carrière universitaire. Ça joue en effet. Et c'est surtout que Virchow le cite, pour ainsi dire, pas dans ses travaux, alors même que il a travaillé avec lui. Peut-être que aussi un des éléments qui peut expliquer ça, c'est que Virchow, lui, d'ailleurs, c'est ce qu'on a entendu au début, l'extrait était un extrait de sa pathologie cellulaire. Et lui, ce qu'il amène aussi, c'est une pensée de la cellule à la fois dans un état normal et dans un état pathologique, et se dire que les êtres vivants, qu'ils soient malades ou non, ils restent toujours constitués de cellules. Alors justement, ça, c'est intéressant, cet aspect pathologique, là pour le coup, voilà quelque chose qui est novateur et qui permet encore aujourd'hui de comprendre, par exemple, certaines maladies comme les cancers, se dire, à partir du moment où une cellule est défectueuse, elle peut provoquer une maladie. Ça, c'est quelque chose de totalement nouveau au milieu du 19e siècle. En effet, et c'est pour ça aussi que la théorie cellulaire est aussi forte épistémiquement. C'est parce qu'elle permet vraiment de donner un cadre pour penser l'entièreté du vivant, et ce cadre pour penser le vivant, quel que soit son état. Ça permet aussi de distinguer ce qui tient du vivant de ce qui tient du non-vivant. Donc finalement, et appartient à la biologie, donc à la science qui s'occupe des êtres vivants, ce qui est de forme cellulaire. Alors bien sûr, c'est pas si simple que ça, on a en tête notamment le cas des virus par exemple, mais ça crée en effet un cadre pour penser tout un pan de la biologie à part entière. Et on peut revenir à cette phrase en latin, omni cellula, a cellula ou e cellula, qui est suffisamment floue et latine. Exactement. Pour paraître géniale, mais à l'époque, on connaît pas les chromosomes, on connaît pas tous ces mécanismes-là. Alors, c'est un coup de génie, un coup de dé, une intuition formidable, ou un peu de l'esbrouf de la part de Virchow? Alors, cette formule-là, lui, ce qu'il entend par cette formule, vraiment, je l'ai dit, mais j'insiste, c'est vraiment pas de génération spontanée. Mais par-delà ça, donc lui, en effet, il pense surtout qu'une cellule est capable de se diviser et de donner deux cellules. Point. Donc, comme vous l'avez dit, cette formule, elle est un peu floue, ce qui permet qu'on peut lui mettre différentes choses derrière, et notamment, on retrouve cette formule chez Omnicellula. Omnicellula et cellula, Virchow la prend de Raspail. C'est Raspail le premier qui a utilisé cette formule comme épigraphe d'un article de 1825. Sauf que ce qu'il a derrière la tête dans cette formule, c'est de penser à une formation des cellules par bourgeonnement dans des cellules préexistantes. Donc c'est encore autre chose que Virchow. Mais comme vous le dites, l'avantage, c'est comme c'est une forme aphoristique, on peut y mettre un peu ce qu'on veut derrière. Et c'est ce qui permet d'ailleurs de garder un cadre épistémique robuste, fort, parce que derrière cette forme un peu floue, on peut quand même avoir une marge de manœuvre tout en constituant un programme de recherche. Et cette théorie, on va voir qu'elle a mis du temps avant de faire son chemin, ou en tout cas avant de convaincre la totalité de la communauté savante. On en parle tout de suite. France Culture, Science Chrono, Antoine Beauchamp. Puisque pour qu'une idée s'impose, il faut convaincre la communauté des chercheurs, Caroline Anglerot, dans cette théorie cellulaire, qu'est-ce qui a été le plus difficile à entendre pour les savants européens de l'époque? Et pourquoi est-ce que, par exemple, en France, les chercheurs étaient vraiment plutôt opposés à cette doctrine cellulaire, comme ils l'appelaient? Alors déjà, il y a un argument un petit peu chauvin, dans le sens où la France reste le pays de Bichat, et donc Bichat, avec, j'en parlais tout à l'heure, sa théorie tissulaire, c'est difficile d'y renoncer quand on a un héros national. Et par-delà ça aussi, donc un des grands défenseurs de Bichat en France, c'était Auguste Comte. Et Auguste Comte, notamment dans ses cours de philosophie positive, parle de la théorie cellulaire et il compare donc les cellules élaborées par Schwann, Virchow, etc. à des monades organiques. Et en parlant de monades organiques, en fait, il conglomère ensemble cette pensée de la théorie cellulaire avec aussi une pensée un peu datée de la philosophie romantique allemande. Leibniz, la monade, on peut rappeler un peu que recoupe ce concept? En effet, alors c'est un concept qui vient de la métaphysique, on trouve notamment chez Leibniz, et qui a eu après une acception vraiment en biologie, notamment portée par Otto Friedrich Müller, et ça désigne les êtres vivants les plus simples dans leur composition. Et donc, en effet, il agglomère ces différents sens complètement volontairement, alors même que pour les biologistes allemands dont on parle, les choses sont très claires, c'est pas la même chose, mais lui, par vraiment un procédé de rhétorique, il conglomère tout ça pour créer du flou et essayer de battre en brèche la scientificité de cette théorie. Alors, l'objectif derrière aussi, c'est de dire que chez Auguste Comte, la société, c'est dit un peu grossièrement, mais prime sur l'individu. Donc, de la même manière, Bichat, avec son scalpel, va pouvoir distinguer des tissus, mais ne va pas en arriver à un niveau corpusculaire. Et donc, cette pensée corpusculaire, donc du fait que Auguste Comte est contre, ça montre que la manière aussi de recevoir la théorie peut aussi être prise dans des jeux globaux plus larges. Oui, toute pratique de la science est encore plus, et c'est encore plus vrai au XIXe siècle, est liée à un contexte politique et à un contexte idéologique. C'est un point que je voulais aborder avec vous, Caroline Anglerot, c'est cette dimension politique de la conception de la cellule elle-même, de la partie par rapport au tout. C'est des questions qui se posent de façon très vive au XIXe siècle, avec tous les bouleversements politiques et d'organisation sociale qu'on connaît à ce moment-là. Est-ce que là aussi, on peut relire cette histoire de la théorie cellulaire à l'aune des événements politiques du XIXe siècle qui sont fort nombreux? Alors, en effet, complètement. Notamment, Virchow le premier, lui, utilise la cellule comme une métaphore, donc là, non plus dans un contexte biologique, mais dans un contexte politique, pour, penser le rapport de la partie au tout. Et lui, c'est quand même quelqu'un d'assez progressiste. Et donc, un individu n'a pas à prôner sur un autre, à primer sur un autre. Et donc, en effet, l'adhésion ou non à la théorie cellulaire peut aussi être lu par ce prisme politique. Ce qu'il faut aussi évoquer, c'est qu'au XIXe siècle, la science se spécialise beaucoup, notamment grâce à tout un tas d'appareils qui permettent aussi de réaliser des nouvelles expériences et des nouvelles observations. Là aussi, on peut parler de ça, Caroline Anglerot, de cette évolution technique des microscopes et de notamment l'utilisation de colorants pour mieux observer l'évolution de cellules vivantes. Est-ce qu'on peut dire que cette théorie cellulaire tient sur deux pieds, un pied très théorique et un pied extrêmement et éminemment pratique, celui de l'observation. En effet, notamment, donc par-delà le volet théorique, sur un plan vraiment purement pratique, c'est l'époque des microscopes achromatiques qui permettent en fait de pas avoir des images dédoublées par le jeu des différentes longueurs d'onde. Donc ça a joué un rôle majeur. Et même après, une fois que la théorie cellulaire est vraiment fixée comme un programme de recherche, à partir des années 1870, ce sont encore des progrès en termes de fixation des préparations, de coloration, qui va permettre de rentrer de plus en plus dans le détail de la structure cellulaire. Est-ce qu'on peut parler aussi, à ce moment-là, d'autres théories qui pourraient être semblables dans leurs évolutions, dans leur histoire? Moi, je pense à la théorie neuronale, par exemple, la théorie neurale qui suit un peu ce même chemin où on a deux paires de la théorie neuronale qui finalement ne sont pas forcément d'accord entre eux, mais qui vont apporter des connaissances déterminantes pour la mise en place d'une science comme les neurosciences, la neurologie. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça qu'on peut soulever? Alors, c'est vrai que, donc on en parlait, selon les pays, la théorie cellulaire a été plus ou moins vite acceptée, elle peut aussi souffrir d'autres versions, déjà. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important de rappeler le caractère buissonnant, vous en parliez en introduction, de cette théorie cellulaire, donc des émergences un petit peu dans des différents endroits et aussi différentes versions qui cohabitent entre elles. Donc finalement, on est vraiment face à un programme de recherche extrêmement large. En même temps, une fois que ce programme est fixé, cohabitent aussi d'autres versions. Notamment, on peut penser aux théories protoplasmiques, qui finalement, le protoplasme, en fait, ça serait la question, c'est que à cette époque-là, une cellule, ça va être définie par un noyau et par une membrane. La question, c'est dans quelle mesure est-ce que on peut se passer de la membrane comme définition de l'unité du vivant. Et si on se passe de la membrane, on a accès à vraiment un matériel propre au vivant par-delà la forme, donc un matériel amorphe, qui est le protoplasme. Et donc, ces théories protoplasmiques parfois se conjuguent, parfois sont en opposition avec la théorie cellulaire, mais en tout cas, dialoguent. Qu'est-ce qu'on comprend du fonctionnement de la cellule, de sa naissance, de sa division, de sa reproduction, au moment où Virchow postule sa théorie cellulaire? Est-ce qu'on a une connaissance déjà assez aboutie des mécanismes qui la constituent et qui font qu'elle peut se reproduire? Pas vraiment, dans le sens où pour Virchow, on est vraiment face juste à des mécanismes de séparation d'une cellule à partir d'une autre. Donc là-dessus, c'est encore extrêmement balbutiant. Ça viendra par la suite, ces questions-là. Est-ce qu'on peut parler de la suite, justement, de l'évolution de cette théorie, qui est une théorie qui sert encore aujourd'hui de pilier à la biologie moderne, qui donne naissance à la fin du 19e siècle à une science dédiée, la cytologie. Est-ce que on peut considérer que cette théorie cellulaire a été un des grands tremplins pour la biologie moderne telle qu'on la pratique encore aujourd'hui? Oui, en effet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre Schwann Virchow, là vraiment les fondateurs, on a surtout une acception de la cellule au sens de la partie d'un tissu. Donc, c'est-à-dire la partie d'un organisme qu'on peut qualifier de pluricellulaire. Il y a aussi une réflexion vraiment développementale, notamment dans un cadre par exemple embryologique, on peut penser au sens de la cellule œuf, mais à part ça, le concept reste extrêmement ouvert, ce qui fait que, par exemple, le fait de savoir est-ce qu'un organisme qu'on appellera maintenant unicellulaire est une cellule ou pas, ça fait débat à l'époque. De la même manière, quand on va penser une pensée évolutionniste, notamment grâce à Darwin, la question de savoir si, par exemple, les premiers formes d'êtres qui ont émergé sont des cellules ou pas, vont être des ajouts successifs et qui sont autant de différences par rapport aux fondateurs de la théorie et à l'usage qu'on en a aujourd'hui. Et vous parliez de ces organismes unicellulaires comme les bactéries à l'époque qui n'étaient pas très bien comprises et pas très bien connues. Aujourd'hui, l'état de la théorie cellulaire, quel est-il? Est-ce que c'est une théorie qu'on questionne, à laquelle on ajoute des annexes? Comment est-ce qu'on considère cette théorie-là? Est-ce qu'elle est figée ou est-ce qu'elle est encore très très vivante et remodelée? Alors, aujourd'hui, déjà, de manière générale, on peut partir du principe que c'est plus un cadre qu'un objet qui est vraiment travaillé en tant que tel. Donc, ça paraît évident de savoir ce qu'est une cellule aujourd'hui. Alors, il n'empêche que il y a des débats pour savoir si, par exemple, une cellule, c'est vraiment une entité à part entière. Est-ce que, finalement, il y a différents types l'ontologie de la cellule est vraiment une question qui est réfléchi en philosophie de la biologie. Après, pour le travail à la paillasse, ce qui tient de la cellule tient d'une évidence, alors même que ça a été le travail d'une construction. Et on en revient justement à cette conception plutôt métaphysique et philosophique, en tout cas, de la cellule, et quel statut finalement on confère à ce genre d'organisme unique. Pour vous, qu'est-ce qui, dans la théorie cellulaire, incarne finalement un archétype, un exemple dans l'histoire des sciences et l'histoire de la biologie de fabrication d'un savoir scientifique ? Alors, la théorie cellulaire, en effet, elle est assez à la fois représentative d'une situation où voilà, il faut un contexte épistémologique donné, il faut bien sûr des observations, ça vient pas ex nihilo, et donc à la fois, donc de ce point de vue-là, elle est quand même assez banale, et en même temps, elle a cette force de vraiment s'être imposée comme on pourrait dire un paradigme biologique extrêmement fort, même d'ailleurs à peine un siècle après donc vraiment son établissement, donc qui est d'autant plus renforcé par le fait que on précise de plus en plus dans le détail ces structures. Notamment un lauréat en 1926 de l'Académie de médecine qui propose que la théorie cellulaire devrait être renommée, même être appelée un fait cellulaire, tellement que ça tient de l'évidence. Or, si on a bien vu quelque chose, c'est que c'est tout sauf un fait qui va le soit. Merci beaucoup, en tout cas, Caroline Anglerot, d'être venue nous guider dans cette jungle théorique qui a donné naissance à la théorie cellulaire, aux faits cellulaires. On se retrouve très bientôt dans Science Chrono. Merci. Cells Loop Variation par Jane Weaver. Un grand merci à Eve Etienne et à la réalisation Olivier Bétard. Merci à Denis Forget de l'INA, notre partenaire, pour son aide dans la recherche d'archives. Et merci à Sébastien Royer, aujourd'hui à la technique. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono. You're...